Vendredi le 23 septembre, il est 12h30, voici vos informations à CKRL. D'abord, l'avocat François Marchand compte préciser ses intentions plus tôt que tard. En entrevue à CKRL, l'avocat affirme que sa réflexion est bien avancée en ce qui concerne sa possible candidature à la mairie pour l'élection municipale de 2017. Il annoncerait ses couleurs d'ici quelques jours. Ce qui me reste à déterminer, c'est suite à une rencontre avec Démocratie Québec, est-ce que je vais me présenter à la chefferie de ce parti ou si je me présente comme indépendant. Alors, c'est là que j'en suis à ma réflexion, ou encore si je renonce, mais je suis assez avancé et je me donne encore 2 semaines là, pour vraiment là, affirmer mes intentions là, fermes là, pour la prochaine année. C'était donc François Marchand qui a révélé hier qu'il songeait à se présenter contre Régis Labeaume à l'élection municipale de Dietre et sur l'île d'Acuzeli. Le juillet, il a mentionné s'être inquiété des appels de sa sœur et d'une amie qui n'avait plus de nouvelles de la femme. Il s'est aussi ouvert sur l'opération de type Mr. Big dont il a fait l'objet. Il dit s'être intégré facilement à cette organisation criminelle fictive qui lui fournissait argent et amis. Également dans l'actualité, à leur tour, les employés du Hilton Québec se sont entendus aujourd'hui avec leur employeur. La convention collective d'une durée de 4 ans prévoit des augmentations salariales de 13%. C'est le deuxième hôtel de Québec à trouver une entente après le Delta hier et les négociations qui se poursuivent à l'Hôtel Pur et à l'Hôtel Classique, ce dernier faisant l'objet, rappelons-le, d'une grève générale illimitée depuis mercredi. Enfin, le trafic sur les ponts de Québec et Pierre-Laporte est resté stable ces 15 dernières années, selon les données du ministère des Transports, rapportées aujourd'hui par le journal Le Soleil. Environ 152 000 véhicules par jour ont traversé les ponts en 2014, soit 4% de plus qu'en 2000.